Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Il y a beaucoup de visages dans cette histoire. Ce sont ceux d'hommes et de femmes qui sourient dans les publicités, sur les affiches de films, en couverture des romans policiers et sur les photographies quand il s'agit de poser à côté de l'homme blanc. Il y a beaucoup de fantasmes dans cette histoire. Les Vainés, la fille du Bédouin, la force de l'homme africain, le déhanché de Joséphine Baker et le rire de la petite Tonkinoise. Il y a beaucoup de corps dans cette histoire. De corps, car le sexe est au cœur de la colonisation, le corps de l'autre, des hommes, des femmes, des corps bafoués, violés, exhibés, utilisés, des corps colonisés et des visages qui ne sourient pas. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons laissé la parole à des historiens et des historiennes qui nous ont conduits de Venise aux Antilles et de l'Espagne républicaine au désir de rivage. Edgar Morin, Elisabeth Crouzet-Pavant, Alain Corbin, Anne Lafont, de grands entretiens que vous pouvez réécouter en podcast ou en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux, le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler colonisation, décolonisation, avec un regard particulier, c'est la domination des corps colonisés. Oui, comment la sexualité est elle aussi une forme de colonisation? Nous allons en parler avec vous, Christelle Tarot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur dans les programmes parisiens de Columbia University, donc de New York. Vous êtes membre associé au centre du 19e siècle des universités Paris 1 et Paris 4. Auteur notamment d'Amour interdit, prostitution, marginalité, colonisation, le Maghreb de 1830 à 1962. Et vous avez co-dirigé un ouvrage, Sexualité, identité et corps colonisés. Cet ouvrage fait la suite de plusieurs réflexions qui se mettent en place depuis plusieurs années autour de la notion de sexe et de colonisation. Oui, cet ouvrage a vocation à mettre en lumière un champ d'études qui est un champ pluridisciplinaire puisqu'il concerne pas seulement l'histoire. Hein, il y a aussi notamment des sociologues, des anthropologues, des ethnologues qui travaillent sur ces questions depuis fort longtemps. Donc c'est un champ qui est assez ancien, malgré ce qu'on dit souvent. Hein, c'est un peu comme les gender studies, on dit toujours que c'est nouveau, mais en fait ça commence à être vieux pour du nouveau, hein, puisque c'est un champ en fait qui est né dans les années 70, à la fin des années 70, et qui effectivement a vocation à parler de ce lien, à mon avis consubstantiel, entre colonisation et sexualité. La sexualité étant aussi un champ de la recherche ancien, hein, au moins depuis évidemment la publication des trois tomes de l'histoire de la sexualité par Michel Foucault, donc assez ancien. Hein, dans les années 1980. Exactement, fin des années 70, début des années 80, mais qui reste encore aussi quelque chose d'assez marginal. Donc évidemment, on ne réduit pas nous-mêmes, en tant que spécialistes de ces questions, la sexualité au corps dominé, parce que mais effectivement, la question du pouvoir et de la domination est au cœur des questions qui nous intéressent. Et puis, pour continuer cette réflexion, en deuxième partie de l'émission, nous allons parler de décolonisation avec un S. C'est le titre d'une série documentaire qui est diffusée sur Arte mardi prochain, le 7 janvier, mais qui est déjà visible sur le site internet arte.tv. Une série documentaire de Karim Misquet, Pierre Singaravelou et Marc Ball. Et pour nous en parler, les deux réalisateurs, Marc Ball et Karim Misquet. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quin avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, une chanson à succès du début du XXe siècle. Ah, je vous dis à succès, non, un immense succès populaire. C'est la petite Tonkinoise, interprétée ici par Lina Margie. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tonkiki, sa tonkiki, sa tonkinoise. Il y en a d'autres qui font les 12 yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux. Le soir on cause de tas de choses. Avant avant de se mettre au pieu, je lui apprends la géographie de la Chine et de la Mandchourie, les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Il y a même l'amour, c'est curieux, qui arrose l'empire du milieu. Ah, la chanson coloniale avec ses allusions, hein, l'amour qui arrose l'empire du milieu, la petite tonkinoise chantée ici par Lina Marjim, une chanson qui a traversé le XXe siècle, Joséphine Baker et d'autres l'ont interprétée. Christelle Tarot, cette chanson-là fait partie de la construction des fantasmes sexuels du monde colonisé. Oui, bien sûr, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle mobilise aussi quelque chose d'assez commun dans... chez les tenants de l'expansion coloniale, c'est que les femmes peuvent aussi être une manière d'acclimater les hommes, notamment dans les premières phases coloniales où on ne pense pas forcément immédiatement à l'occupation totale. Et donc, on observe que dans les premiers empires et jusqu'à, disons, le milieu du 19e siècle, il y a cette idée que ce n'est pas une mauvaise chose forcément que les colonisateurs puissent avoir accès aux femmes, parce que précisément ces femmes vont leur permettre de mieux connaître, de mieux comprendre et donc d'être plus à même d'exploiter les colonies. C'est ce qui est clairement indiqué dans cette chanson. Ensuite, effectivement, quand on passe à des empires coloniaux de domination totale, les problèmes deviennent différents, puisque pour certaines parties de l'empire, par exemple, on pense à créer des sociétés nouvelles. Par exemple, en Algérie, on pense à créer une société nouvelle. Bien sûr, cette société, elle repose notamment sur le prestige des colonisateurs, qu'ils soient d'ailleurs blancs ou pas. En l'occurrence, dans ce qui nous intéresse, nous, ils sont blancs, mais ils ne sont pas toujours blancs. Et donc, effectivement, là, la question de la sexualité interraciale devient, entre guillemets, plus compliquée avec la mise en place de sexual lines, de lignes sexuelles qui s'appuient aussi sur des lignes raciales, disons. C'est vrai que Christelle Tarot, dans votre contribution à l'ouvrage « Sexualité, identité et corps colonisé », CNRS Éditions, c'est un ouvrage que vous avez co-dirigé, vous expliquez bien le principe en fait des petites épouses, notamment alors dans l'Empire britannique et aux Indes, qui est un système assez évident pour acclimater ces colons qui, par le fait, déjà manquent de femmes blanches. Il n'y en a pas assez. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs problèmes auxquels sont confrontés assez vite les colonisateurs quand ils s'installent durablement. D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure à travers la chanson, évidemment tout ça mobilise un univers de fantasmes extrêmement important, extrêmement renouvelé et extrêmement ancien en réalité. Hein, on peut retrouver les traces de ces fantasmes dans l'époque moderne et peut-être même avant en réalité, dans l'époque médiévale et de la première confrontation, par exemple au moment des croisades. Mais n'allons pas si loin. Donc il y a effectivement tout cet imaginaire fantasmatique qui fait que finalement quand les hommes arrivent, ils ont le sentiment que leur droit de conquérant est aussi d'avoir accès aux femmes, et d'autant plus qu'ils fantasment de manière extrêmement importante ces femmes, puisque et la culture élitaire et la culture populaire, la chanson étant bien sûr parfois la culture populaire, pas toujours mais parfois, ont conduit en fait à produire cette image fantasmatique qui est d'ailleurs très diversifiée selon les différentes parties de l'Empire, des empires. Mais ensuite se trouve un problème, je dirais, technique, pragmatique, d'organisation. Or, on sait bien que la sexualité interraciale est problématique. Parce que, en même temps qu'on comprend bien la nécessité d'ouvrir un marché du sexe pour que les hommes puissent vivre leurs fantasmes, on comprend bien aussi les dangers de cette interracialité, de ce qu'elle peut produire, par exemple, au travers des enfants métis et des sociétés de métissage, dont on ne veut pas. La peur du métissage. Dont on ne veut absolument pas. Donc, on est dans une contradiction, et donc, on va, quand je dis on, je veux dire, les États coloniaux vont organiser, effectivement, des politiques sexuelles. C'est pas du tout quelque chose qui naît ex nihilo, c'est quelque chose qui est produit, pensé et produit. Et donc, on va, selon les endroits où on s'installe, mettre en place des politiques différentes. La petite épouse, c'est dans les colonies d'exploitation où il y a finalement peu de colonisateurs. Dans les projets de peuplement, c'est plus compliqué, notamment en Algérie, par exemple. Et là, on ouvre un marché du sexe prostitutionnel pour canaliser, en fait, les relations interraciales sexuelles dans le cadre de la marginalité. Avec toujours cette idée que les choses varient selon les populations occidentales qui arrivent, le rôle de l'armée est essentiel, notamment pour canaliser la prostitution avec une double peur, celle du métissage qui est une chose et la peur de la maladie aussi. Oui, alors évidemment, si on prend pour l'Empire français la colonie paradigmatique qui est l'Algérie, on voit bien que dans les récits que font les officiers et les sous-officiers de l'armée d'Afrique, qui font la conquête de l'Algérie, il y a cette peur terrible de la contamination épidémiologique, particulièrement vénérienne, ce qui montre bien qu'on a ouvert très tôt un marché du sexe, puisque il y a cette peur récurrente. Et cette peur, elle s'assoit ensuite sur la naissance du racisme scientifique, puisqu'on va donner naissance à une maladie extrêmement dangereuse, qui est la syphilis arabe, supposée bien plus périlleuse dans sa forme et dans son fond que notre bonne vieille syphilis gauloise. Donc oui, il y a une peur très importante qui n'est pas complètement délirante non plus, dans le sens où on sait bien que la syphilis est une maladie extrêmement pénalisante et qu'une armée qui serait dirigée par des officiers ou des officiers syphilitiques pourrait être extrêmement dangereuse pour la colonisation elle-même. Donc il y a parfois des réalités objectives qui sont associées, si j'ose dire, à une racialisation de plus en plus évidente de la sexualité interraciale, des maladies de manière générale et de l'ensemble des sociétés dites indigènes. Christelle Tarot, organiser la prostitution signifie que l'institution se pose la question: comment fait-on? Où va-t-on? Quel quartier? Quelle personne? Quel médecin? Donc il y a une volonté de l'institution coloniale ou militaire, on peut en discuter, mais il faut mettre les choses en place. Oui, c'est un débat d'ailleurs qui transcende la colonie, puisqu'on a exactement en fait la même discussion, la même conversation dans les élites masculines, par exemple françaises, dans le premier 19e siècle, en ce qui concerne la prostitution métropolitaine, avec la même peur, qui ne s'incarne pas exactement de la même manière, mais la même peur, qui est la peur de l'autre, en l'occurrence de la femme prolétaire, pour la France du premier 19e siècle, pour la femme colonisée et indigène, prolétaire aussi, en réalité, le plus souvent, dans la France, par exemple, de l'Algérie coloniale. Donc oui, on organise, en gros, les systèmes réglementaristes ont pour objectif de mettre à disposition les femmes pauvres en canalisant leur dangerosité. Oui. Et en la rendant, bien évidemment, rentable. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le même temps naît le capitalisme sexuel, qui est aussi un capitalisme colonial. Oui, j'allais insister sur ce point. Effectivement, hein, c'est un aspect essentiel et ce mot est étonnant dans un ouvrage sur sexualité, identité, corps colonisé. Mais il est là à la base de l'ensemble de cette construction, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que malgré tout, il y a de l'argent à se faire. Beaucoup d'argent. Et c'est bien l'un des moteurs essentiels de la colonisation. La colonisation a été aussi, bien sûr, par essence économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que le sexe, la sexualité, n'échappe pas à l'économie. On pense toujours que la sexualité, c'est une activité intime qui nous est propre et qui nous appartient. C'est une fatale erreur. Tous les historiens et les historiennes de la sexualité ont montré que la sexualité est au cœur du pouvoir et que son organisation, son contrôle est un élément essentiel, en fait, tant sur le versant des politiques familiales, par exemple, que sur le versant des politiques prostitutionnelles, qui sont d'ailleurs les deux faces d'une même médaille. Christelle Tarot, en écho à ce que vous nous dites, je vous propose d'aller faire un tour sur La canonnière du Yangtze, le film de 1966 de Robert Wise, où justement il est question à la fois de sexualité et de commerce. Oui, apporte-moi du whisky. Mais t'en vas pas. Souris, Mélie. Sachez que je ne monte pas. Je ne suis qu'une hôtesse. Ce qui ne t'aime pas. Et ce qui t'énerve pas. T'as pas la cote, n'insiste pas. Monsieur Ski, je vous en prie. Non, je vous en prie. Ski, lâche-la. Ouais, va te faire voir. Je vous en supplie. Bouge pas, Frenchy. Tu sais pas que les putains ont des obligations comme les marins? Oh, je vous en prie. Oh, lâche-la. Frenchy, laisse tomber. C'est un ordre. C'est vrai, quoi. Tu sais bien qu'on n'emmerde pas un type avec une fille. Tant qu'il n'a pas fini avec. Quoi se passer? Attends. Quoi se passer? Toi, aller en haut avec la fille? Paix, pognon, payé. Payé, payé. D'accord. Allez, toi, on monte. Attends. Cette fille, jamais servie. Toi, payé $200. $200? Tu me prends pour un amiral? C'est pris pour première fois. La canonnière du Yangtze en 1966, Christelle Tarot. La prostitution dans les colonies est quelque chose d'accepté, quelque chose même qui fait partie du fonctionnement. Dans l'ouvrage Sexualité, Identité et Corps Colonisé, CNRS Édition, vous évoquez, entre autres, tous ces sujets, parce qu'il y a énormément d'intervenants, mais dans un autre ouvrage qui est en fait à l'origine de celui que vous nous présentez, qui s'intitulait « Sexe, race et colonie », il y a des illustrations, il y a des photos. Et l'on sent que c'est quelque chose qui fait partie du voyage colonial, de ramener les photos. Il y a énormément de ces clichés avec la prostituée, et ça, ça vaut pour tous les continents colonisés. Oui, alors la photographie a un statut particulier dans le monde iconographique colonial, parce que, en fait, la photographie est née simultanément aux colonisations contemporaines. Et donc, on peut dire que la photographie a été le média qui a accompagné, en fait, les colonisations du 19e siècle. Et donc, effectivement, on observe une volonté d'utiliser la photographie pour des raisons diverses. D'abord, pour des raisons ethnographiques, je dirais, c'est-à-dire de fixer ces populations, alors même que nous savons que notre présence va considérablement modifier leurs habitudes de vie et parfois même leur environnement. Hein. Donc il y a cette volonté ethnographique et puis évidemment la photographie devient une arme idéologique extrêmement importante dans la fabrique à fantasmes, qui est une fabrique non pas seulement de fantasmes de la différence. Parce que, après tout, aimer ce qui est différent ou désirer ce qui est différent est une attitude banalement humaine, oserais-je dire. Mais il s'agit là de hiérarchiser la différence. Et cette hiérarchisation de la différence, elle passe effectivement par les mots, souvent, mais elle passe aussi de manière extrêmement importante par les images et depuis fort longtemps en réalité. La photographie, c'est paradigmatique du phénomène parce que très rapidement, on va développer des appareils qui permettent de faire de plus en plus de clichés, de massifier les images. Mais en fait, quand on travaille sur les corpus iconographiques, on constate que dès l'époque moderne, au travers de la cartographie, des gravures, des peintures, cet univers fantasmatique de dépréciation de l'autre s'installe finalement quasiment dès l'origine. Avec un schéma assez simple, hein, le corps colonisé est nu, homme ou femme, ou très dénudé, souvent à côté du colonisateur qui, lui, est vêtu entièrement. Il y a une volonté, alors peut-être pas consciente, mais d'humiliation, en tout cas, de montrer le corps nu. Dans un premier temps, oui, effectivement. Mais en fait, la dynamique, elle est double, parce que il y a le fait de montrer certains nus et de montrer d'autres qui sont extrêmement couverts. Et il y a aussi un autre fantasme récurrent qui est, par exemple, le fantasme de la femme voilée. Et Dieu sait qu'il agite encore aujourd'hui notre société. Hein, donc, en fait, c'est cette dynamique-là. Et d'ailleurs, l'iconographie coloniale, à mesure qu'elle avance, va, d'une certaine manière, inverser cette proposition première, puisqu'elle va rhabiller... pour montrer que la civilisation est en marche, les populations dites primitives et donc assimilées à la nudité ou à la semi-nudité. Et dans le même temps, elle va dévoiler les personnes qui étaient voilées, notamment les femmes, particulièrement au Maghreb, dans le même souci de montrer l'avancée de la civilisation. Christelle Tarot, dans Sexualité, Identité et Corps Colonisé, vous évoquez cet aspect-là au temps de la colonisation. Mais vous l'évoquez aussi après la colonisation, c'est-à-dire que tous ces fantasmes mis en place pendant tant de décennies perdurent et on les retrouve aujourd'hui encore. Oui, bien sûr, et je dirais que c'est d'autant plus important que si tout ça est né dans la culture élitaire, c'est-à-dire dans un microcosme, finalement un microcosme masculin d'hommes européens, voire occidentaux. Ce qui est fascinant, c'est que précisément au XIXe siècle, et particulièrement à la fin du XIXe siècle, tout cet appareillage idéologique, tous ces dispositifs de domination vont en fait être culturalisés, enfin acculturé plutôt dans la culture populaire, au travers de toute une série de choses qui vont des grandes expositions universelles au cinéma de l'entre-deux-guerres. Et du coup, bien sûr, parce que c'est devenu aussi une culture populaire, c'est-à-dire une culture de masse, eh bien, ces stéréotypes agitent encore nos sociétés contemporaines, pas seulement en France d'ailleurs. On voit que ces débats se retrouvent partout. Il y a eu des nations impérialistes, y compris par exemple au Japon, y compris par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vrai que les fantasmes thaïlandais se retrouvent, les fantasmes asiatiques se retrouvent partout, d'où l'intérêt de cet ouvrage « Sexualité, identité et corps colonisés ». Merci beaucoup Christelle Tarot, donc vous êtes une co-directrice de cet ouvrage qui parle du passé colonial, mais vraiment du regard aujourd'hui qu'on peut porter sur ces territoires. Et justement, vous évoquiez la culture populaire comme véhicule. La culture populaire est aussi véhicule de souvenirs, souvenirs de la colonisation, souvenirs de l'esclavage. C'est le cas avec le groupe La Rumeur qui chante 365 cicatrices. J'ai 365 cicatrices, et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs dans les pleurs et les cris, étouffés par les traits espiègles, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition, et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers, enrôlés tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Et qui on appelle pour les excréments, des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent, en y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libre, fallait courir, ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits. Non pas à vie, mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce t'en sais? J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français FABA, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde, si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années, environ 400? Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang. Parole de descendants de couleurs de calme. Vous êtes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Nouguier avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige. Et pour poursuivre notre réflexion sur ce qu'est le corps colonisé, nous vous accueillons Marc Ball, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de films documentaires, tout comme Karim Misquet, bonjour. Bonjour. Donc vous aussi réalisateur de films documentaires et écrivain arabe, jazz, n'appartenir. Mais là vous venez pour nous parler d'un film, d'une série documentaire décolonisation sur Arte, qui peut être vu déjà sur la plateforme Arte, et cela jusqu'au 6 mai, et qui est diffusé sur la chaîne le mardi 7 janvier à 20h50, décolonisation au pluriel, avec un postulat de départ qui m'a fasciné, en fait, dans votre choix, la décolonisation commence dès la colonisation. Marc Ball. Tout à fait. Donc c'est une série qu'on a écrite avec Pierre Saint-Gravelou, qui est historien, et donc nous sommes les trois co-auteurs. Et c'est vrai que Pierre nous a amené aussi cette vision historique de changement de perspective sur l'histoire, et donc de revoir cette histoire de la colonisation du point de vue de ceux qui l'ont subi et de ceux qui sont libérés. D'où ce postulat que la décolonisation commence dès le premier jour de la colonisation et non pas au moment des indépendances où quelque part l'indépendance aurait été octroyée de la part des Européens, mais commence dès la première rencontre et dès les premières résistances, que ce soit en Inde, au Kenya, en Algérie. C'est vrai que quand on est à l'école, souvent il y a un chapitre décolonisation qui commence dans les années 1950, qui se poursuit dans les années 1960. Mais vous jouez sur cette notion de décolonisation et donc de colonisation sur le temps long. en réalité. Votre film, moi je l'ai vécu ainsi, est un film d'ampleur parce que il raconte et la colonisation et la décolonisation. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Karim Misquet, quelle approche vous avez d'un sujet aussi vaste? Ces trois épisodes, donc c'est court, on va dire, pour un sujet comme la décolonisation, et pourtant il faut le traiter. Oui, il faut le traiter. C'est peut-être bien aussi de le traiter sous une forme assez ramassée comme ça, parce que c'est pas, comment dirais-je, un pinsomme, voilà, qu'il faudrait ingurgiter pendant très longtemps. On a essayé d'avoir un récit qui soit efficace, tenu, ce qui était effectivement un défi dans la mesure où on traite de trois continents, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique et l'Europe, le continent colonisateur. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait partir sur beaucoup d'histoires très précises. Un événement qui s'est passé en Inde parle pour d'autres événements qui se seraient passés en Indochine ou même en Algérie et dont on ne parle pas, dans la mesure où on raconte aussi l'histoire de cette libération, mais de la libération d'un impérialisme très particulier qui est ce que certains historiens appellent maintenant l'impérialisme collectif européen. Et ça, c'est une invention du 19e siècle spécifique qui nous permettait aussi de travailler cette histoire de manière, voilà, sous cette forme-là, en considérant qu'on peut être dans l'empire britannique, français ou belge, qui sont les trois empires principaux que nous avons choisis, et qu'en fait une histoire parle pour une autre. Une histoire parle pour une autre sur cette décolonisation, ou en réalité ces décolonisations, parce que vous avez mis un S au titre de votre film documentaire, un film documentaire porté par la voix de Reda Kateb. Nous écoutons tout de suite l'introduction du premier épisode pour comprendre l'ambiance et comprendre combien on se fait embarquer par ce récit qui nous parle directement et qui nous ouvre sur le monde. Ça commence quel jour, la lutte? Ça démarre comment? Elle vient d'où, l'étincelle qui mène à la révolte? Il en faut quand même du courage pour affronter ces hommes blancs avec leurs machines qui crachent 500 balles par minute. Au début, pas le choix. On se soumet pour ne pas mourir, comme les autres. Les sœurs, les frères, les amis, qui n'ont pas compris assez vite que toute résistance était vaine. Alors on se tait et on étudie ces êtres étranges qui pensent que la force de la technique suffit pour avoir raison. Et puis un jour, les pouvoirs du colon cessent de nous impressionner. De Nairobi à Saïgon, on se redresse pour planter fermement nos yeux dans les siens. Du Gange au Congo, on se rappelle que les graines de la révolte étaient semées dès le début. Que la décolonisation a commencé au premier jour de la colonisation. Reda Kateb, la voix du documentaire en trois épisodes, Décolonisation. Reda Kateb qui dit « Le colon cesse de nous impressionner ». Dès lors, il y a le « nous ». Le discours du colonisateur, nous le connaissons bien, parce que c'est celui qui a été imposé pendant des décennies, qui est celui qui a permis la colonisation. Vous avez changé de regard, en fait. Oui, totalement. Et c'était un peu le défi de cette série, à travers cette voix de commentaires. Il y a un personnage qui se dessine, et le parti pris, c'était de raconter un personnage qui a une expérience commune de ces peuples qui ont en commun d'avoir subi la colonisation et de s'en être libérés. Et donc, au fil de la série, ce personnage se dessine, qui est à la fois indien, à la fois kényan, à la fois congolais, à la fois européen, et qui voilà, se définit et apprend à comment se libérer et à comment se décoloniser. Oui, c'est une manière de raconter l'histoire, Marc Ball, parce que il faut raconter l'histoire. L'histoire, c'est de la recherche, et puis l'histoire, c'est aussi un récit, c'est transmettre l'histoire. Et pour la raconter, il est nécessaire parfois, c'est ce que vous avez fait, d'inventer un narrateur. Donc il est porté par la voix de Reda Kateb. Karim Misquet, vous êtes écrivain aussi. Ce travail d'écriture, nous le connaissons, nous voyons comment il fonctionne. Mais là, vous travaillez avec un historien, professeur à l'université Paris 1, il a déjà été cité, c'est Pierre Singaravelou. Comment on travaille avec un historien dès qu'on veut mettre un personnage fictif? En fait, c'est pas exactement un personnage fictif, c'est plus une sorte de voix immanente, d'une certaine manière. Mais bon, effectivement, il y a un effet de fiction dans cette écriture. Bah, ce qui était finalement très bien, Pierre n'est pas qu'un conseiller historique, il est co-auteur de la série. Donc il s'est impliqué lui-même dans l'écriture, dans l'invention de ce récit que nous avons écrit tous les trois. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez évident, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traduit une vision de l'histoire qui est la sienne, une vision scientifique, sérieuse. Il est professeur à la Sorbonne, maintenant il est en même temps professeur au King's College à Londres, donc on peut pas trouver plus prestigieux, n'est-ce pas? Donc c'était super, on avait vraiment l'aval des universités françaises, britanniques, etc. Et je pense que lui, ça l'a intéressé, parce que il est aussi, comme beaucoup de chercheurs en sciences humaines en général, habité par cette question de la restitution, c'est-à-dire dont parlait Bourdieu en son temps, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour restituer finalement au public ce savoir que les chercheurs créent dans des institutions qui sont financées par la société tout entière par le biais des impôts. Donc il y a une vraie question éthique là-dedans, et je pense que ça, je vais pas parler en son absence, mais bon, on en a suffisamment discuté pour savoir que effectivement ça lui parlait de trouver la manière la plus efficace, tout en restant le plus juste historiquement, de donner ce récit au public. Vous dites récit, effectivement, le récit est au cœur de votre documentaire. Il y a une histoire à raconter. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut raconter des événements, c'est le choix que vous avez fait, on le voit bien, avec notamment des personnages essentiels. Nous allons en découvrir un qui est touchant, parce que nous le retrouvons un peu partout, c'est Lamine Senghor, qui a été faire la guerre, la Première Guerre mondiale, qui a découvert l'Europe, lui qui vient du Sénégal. En venant en France, il ne s'attendait pas à ce qu'ici aussi, les chefs lui parlent en petit nègre, persuadés que les Noirs ne peuvent pas comprendre le bon français. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande après tout. Ils sont là pour leur force, pour leur bravoure. Après avoir survécu à la guerre, quand il aura épousé son destin, Lamine comprendra pourquoi il s'était retrouvé là avec ses camarades. Il apprendra qu'un ministre des colonies avait un jour prononcé ces mots. L'Afrique nous a coûté des monceaux d'or, des milliers de soldats et des flots de sang. L'or, nous ne songeons pas à lui réclamer. Mais les hommes et le sang, elle doit nous le rendre avec usure. Mais pour l'heure, Lamine Senghor ne sait rien de tout cela. Du camp de Fréjus, il vient de se retrouver projeté au front, c'est-à-dire en enfer. Dans l'extrait que nous venons d'entendre de votre film documentaire « Décolonisation », il y a plusieurs éléments. Il y a déjà de la citation. La citation, donc, c'est du document historique. En l'occurrence, ce sont les propos d'un ministre des colonies, Adolphe Messini, qui est sombre. Quand on écoute ça aujourd'hui, on a du mal à percevoir la violence à laquelle on peut être confronté, la violence du discours, tous les peuples colonisés. Donc, il était déjà nécessaire de rappeler de manière factuelle ces éléments qui sont des documents historiques. Marc Ball. Tout à fait. Et je pense que ce qui donne la force aussi de ce récit et d'entendre ces citations, c'est de les entendre du point de vue du tirailleur sénégalais ou du point de vue du colonisé. C'est-à-dire ça, on le ressent beaucoup plus dans la chair. Ce n'est pas juste une posture intellectuelle, un débat sur le racisme. C'est quelque chose qu'on ressent, qui est vécu, et tous nos personnages ont ça en commun de vivre chacun une des facettes, en tout cas, du colonialisme. Et c'est ce que permet aussi cette myriade de personnages, c'est de voir tous les aspects de la colonisation, de voir par quel biais elle s'est imposée, et de voir la multiplicité d'expériences et de sensations à travers nos personnages que ça représente, pour enfin finalement rendre la libération et la victoire encore meilleure. Marc Ball, vous citez personnage, le mot personnage revient souvent, mais effectivement, le personnage est au cœur de l'histoire que vous racontez, car c'est une histoire incarnée. Et c'est le cas d'ailleurs, l'histoire est faite par des hommes, par des femmes, elle est faite ou elle est subie par ces hommes et par ces femmes. Dites-nous, Karim Misquet, il était important de mettre en avant des individus qui vont expliquer l'ensemble. Oui, c'était très important parce que, bon, avoir créé cette voix collective, ce nous comme ça, ça ne suffit pas en fait. Il faut vraiment que le spectateur puisse s'identifier à quelqu'un comme Lamine Senghor, bon, qui est un héros méconnu aujourd'hui, mais qui à l'époque a eu un réel impact parce que son discours a été traduit en anglais, a été étudié jusqu'aux États-Unis. C'est un précurseur en fait de Frantz Fanon d'une certaine manière, mais qui est tombé dans l'oubli. Donc c'était aussi, il y avait une sorte de comment dirais-je, c'est presque une question d'éthique historique tout d'un coup de faire ressurgir et des personnages connus, bon, bah voilà, comme Fanon dont je viens de parler, Lumumba, etc. Gandhi, mais Gandhi vu sous l'angle plutôt de son amie Sarojini Naidu, qui était une femme politique indienne très importante, mais qui est totalement inconnue aujourd'hui en France et même assez largement hors de l'Inde. Donc voilà, il fallait donner au Marie Nyanjiru au Kenya, qui elle aussi est totalement inconnue et qui a été une héroïne d'une journée parce qu'elle a mené une manifestation à l'attaque d'un commissariat. Et elle est morte dans cette attaque, mais les Kenyans, eux, ne l'ont pas oublié. Donc voilà, il fallait qu'on restitue tout ce foisonnement, c'est-à-dire que cette décolonisation, c'est-à-dire en réalité cette libération d'autant de peuples sur deux continents, n'a pas pu se faire en fait sans tous ces gens, les connus comme les humbles. Et il fallait qu'on les mette tous en avant pour que les spectateurs puissent rentrer dans l'histoire en fait. Et puis en changeant de regard, nous changeons le personnage lui-même, celui qui se rebelle contre la colonisation et contre l'oppression, devient un héros, mais dans le sens où il est un héros pour ces peuples oubliés chez nous. Vous l'avez bien dit, Karim Iski, il est oublié, ces hommes, ces femmes qui se sont battus. Et il y avait quelque chose, moi je l'ai ressenti comme ça en regardant votre film, Décolonisation, comme un hommage à rendre à ces gens-là. Marc Ball. Oui, totalement. Et avec une très belle fin pour Lamine Senghor, où son livre finalement retourne dans les lieux où a commencé sa lutte dans le port de Dakar. C'est restituer, faire un hommage à tous ces personnages, mais c'est aussi se les approprier qui qu'on soit. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement des héros. Déjà, ils ne sont pas perçus comme des héros ici, et effectivement, le sont perçus dans leur pays d'origine, comme Karim racontait, par exemple au Kenya, en Inde, etc. Et nous, notre parti pris ou notre défi, c'est de dire, mais en fait, ça peut être aussi nos héros. À partir du moment où on est dans une critique du projet colonial et avec le personnage d'Anténor Firmin, où on, face à Paul Broca, où on montre que le racisme est au cœur de ce projet, quand on est dans une critique du projet colonial, on est dans une critique du racisme, et donc on peut considérer que Lamine Senghor, que Marie Nyanjiru sont nos héros, qui qu'on soit. Oui, vous évoquez Paul Broca, donc là on est dans la réflexion sur une hiérarchisation des races, une réflexion sur ce qu'est la race. Et justement, quand on fait un film documentaire qui passe sur Arte, vous, en tant que réalisateur, vous avez besoin d'images. Et ça tombe bien, il y a énormément d'images. À la radio, nous n'avons pas d'images. Enfin si, il y a des images, c'est celles qui se créent mentalement dans la tête des auditeurs et des auditrices. Nous allons écouter un autre extrait de Décolonisation. Il y est question de crâne. Au sein de la prestigieuse Société d'anthropologie de Paris, la question qui occupe médecins, zoologistes et scientifiques de renom est celle de la supériorité de la race blanche. Pour y répondre, une technique a le vent en poupe, c'est la craniométrie. Les chercheurs s'affairent à mesurer et comparer la taille, le volume, l'angle facial ou l'indice nasal de tous les crânes rapportés des colonies. Et puis un jour, un trublion s'immisce dans le débat. Un noir. Un de ceux dont on mesure en temps ordinaire le périmètre crânien fait son entrée à la Société d'anthropologie de Paris. En vérité, pour l'élite parisienne de l'époque, Anténor Firmin n'est pas un noir comme les autres. Directeur de journal, homme politique, il appartient à la classe dirigeante de son pays, Haïti. Merci bon Dieu, car est tout seul à notre beauté. Encore une fois, un destin d'individus confrontés à un monde qui aujourd'hui nous surprend. Et c'est vrai que ces images d'entassement, de tas de crânes venus de toutes les parties du monde que l'on s'amuse à mesurer, à classer, à hiérarchiser, sont des images d'archives. Comment vous avez perçu ces images-là? Elles sont d'une violence inouïe quand on les prend aujourd'hui. Il est nécessaire de les montrer, vous les montrez bien en plus, parce qu'il y a un travail de mise en image. Elles ne sont pas jetées comme ça au visage des téléspectateurs et des téléspectatrices. Elles sont très surprenantes, ces images. Oui, et il y avait mal. Il y avait un vrai enjeu à traiter ces archives parce que le risque, c'est en montrant des horreurs ou en montrant voilà le racisme systémique, ça reste encore du point de vue colonial. C'était un problème un peu inhérent pour toute la série, c'est-à-dire que le matériau d'archives qu'on a sont essentiellement filmés ou photographiés par des colons. Et donc c'est là que la magie du montage et du récit opère. Donc là on a entendu un extrait de musique de Leila Makela, on a aussi un compositeur de musique, Samuel Hirsch, donc on crée une ambiance autour de ces archives, et on a le montage de Véronique Laguarde-Sego qui va, à travers ce matériel-là, trouver le point de vue, trouver un ténor firmin qui regarde ces images. Et du coup, on renverse complètement la perspective en images, c'est-à-dire on regarde ces crânes du point de vue d'un ténor firmin, un noir haïtien, qui va démonter les théories du racisme dès le début. Donc c'est en soi, c'est une histoire extraordinaire. Donc du coup, ça permet de regarder toutes ces images et ces horreurs avec un œil frais et différent de ce qu'on peut faire habituellement. Oui, parce que ces images, nous les avons vues dans les manuels scolaires, toujours, mais mises en perspective avec cet autre regard, ces images-là prennent un aspect différent. Et donc, il y avait ce jeu constant dans l'ensemble des trois épisodes de décolonisation, de sans cesse jouer sur le regard, avec une attention particulière portée au corps. Le corps de l'homme ou de la femme colonisée. C'est sans cesse évoqué dans l'ensemble de votre film, Décolonisation. Karim Misquet, le corps meurtri, vous l'avez en image, il faut le raconter. C'est quelque chose qui nous parle directement. Oui, bien sûr, et ça nous parle d'autant plus justement qu'on a pu s'identifier, en fait, avec ce corps meurtri, qu'on n'est pas dans une réification, qu'on n'est pas en train de regarder l'autre comme un objet. À partir du moment où donc comme le disait Marc, on rentre en fait dans chacune de ces histoires avec un personnage à chaque fois. Donc là, ou des fois un personnage collectif qui est une équipe de foot, mais c'est un peu le maximum. Et donc à partir de là, tout ce qu'on voit, c'est dans le regard de ce personnage, et donc tout ce qui est fait à ses corps. Eh ben, c'est à nous que c'est fait, en fait. Et encore une fois, ben là aussi, comme le disait Marc, quelles que soient nos origines, quoi qu'aient fait nos ancêtres ou qui n'aient rien fait du tout, dans tous les cas, on est tous partie prenante de cette histoire qui a bouleversé le monde et sans laquelle le monde d'aujourd'hui, le monde de ce qu'on appelle la mondialisation, n'existerait pas. On serait encore dans des empires comme ça, en concurrence les uns avec les autres. Donc voilà, encore, c'était pour cette raison-là aussi que c'était aussi important et aussi central dans le projet de raconter ces histoires-là du point de vue d'individus précis, identifiés et qui en sont les acteurs et qui n'en sont pas les objets en fait, qui sont les sujets de leur propre histoire en réalité, alors qu'on les a souvent montrés comme des victimes. Dans le meilleur des cas, ou comme des quantités négligeables. Karim Misquet, vous avez raison de souligner que cette histoire-là est notre histoire, et que c'est une histoire douloureuse, mais qu'il ne faut pas l'oublier si on veut vivre, tout simplement, vivre tous ensemble, avec des changements de regard, sans cesse. Et il y a un élément, un aspect qu'on entend régulièrement quand on parle de la période de colonisation, en disant « oui, mais c'est le contexte, c'était ce moment-là ». Et vous nous présentez des personnes qui, dans ce contexte-là, ont pris conscience de l'horreur. Ce qui relativise l'ensemble, c'est-à-dire que ce n'était pas une évidence de soutenir la colonisation. Parmi toutes ces personnes, il y en a une qui est particulièrement intéressante. Elle s'appelle Alice Chilet-Harris. Elle est au Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. En fait, l'État indépendant du Congo, c'était même pas le Congo belge, c'était la propriété privée de Léopold II à l'époque. La propriété privée de Léopold II qu'il va être obligé de céder avec cette pratique de couper les mains pour justifier qu'on a bien utilisé une munition, il fallait ramener une main, mais comme c'était plus sympathique de tirer sur un animal dans la brousse, ben on tirait sur l'animal et on coupait une main malgré tout. Et vous avez le témoignage d'Alice Chilet-Harris, vous nous le passez, il est émouvant parce qu'il est direct, il nous est lu ce matin par Camille André. Un dimanche matin où j'étais seule, mon boy est venu me prévenir qu'un indigène m'attendait à l'arrière de la mission. Il portait la main et le pied de sa petite fille, enveloppée dans une feuille de bananier, Je l'ai fait asseoir sur les marches de la véranda. Il a ouvert la feuille de bananier contenant la main et le pied. Je les ai prises en photo. La main et le pied étaient là, sous mes yeux. Un des plus grands crimes de l'humanité, celui du roi des Belges, qui a massacré un pays entier, donc sa propriété personnelle, devenue ensuite le Congo belge. Nous voyons ces images, nous entendons les témoignages dans le film que vous avez réalisé, Marc Ball, Karim Misquet, avec Pierre Singaravelou. Ce film, c'est Décolonisation. Il y a quelque chose de douloureux, il faut le dire, dans ces images. Elles sont très violentes. Déjà, le témoignage que nous avons entendu est violent. Elles sont très violentes. Comment, en tant que documentariste, réalisateur de films, on arrive à passer un message sans être dans le pathos, dans l'horreur, dans la tristesse, puisque malgré tout, elle est là? C'était vraiment ce qu'on a voulu faire. Et c'est presque, pour faire une formule, c'est l'aspect positif de la décolonisation. C'est-à-dire, on va pas regarder les horreurs et se contenter de les regarder. C'est qu'il faut les voir pour comprendre de quoi on s'est libéré. Et donc là, dans cette séquence avec Alice, on est vraiment au cœur des ténèbres. C'est vraiment le Congo qui inspira Conrad. Donc il fallait qu'on passe par là. On pouvait pas raconter la décolonisation sans parler du cœur des ténèbres et de l'horreur. Pour que ce qui va suivre par la suite prenne d'autant plus sa force. Et on parlait tout à l'heure de la manière dont sont traités les corps et les corps décolonisés. Il y a un moment où ça se retourne pour nous dans le film, c'est justement avec la mine Senghor, et c'est cette beauté dérangeante, où on voit ces photos de Sénégalais super bien sapés, ils sont magnifiques, le photographe est inconnu, mais on est tombé sur ces photos, ils sont juste magnifiques. Et c'est ça, c'est le pied de nez à l'histoire. On est en 1920, ces gens sont magnifiques, et en même temps, il y a eu, on vient de cette histoire du Congo, on vient de ces horreurs-là, mais rien n'est jamais inscrit pour toujours. Et c'est ça que ça raconte. Ce n'est jamais inscrit pour toujours, Karim Misquet, d'autant que cette histoire est extrêmement présente aujourd'hui. La décolonisation n'est pas quelque chose qui s'est faite. La page est tournée. Vous la prenez sur le temps long, du début de l'arrivée des Européens jusqu'à leur départ, mais aujourd'hui encore, ne serait-ce que par les mémoires, et parfois, pour ceux qui sont toujours là, par les corps meurtris. Oui, c'est-à-dire qu'il y a forcément des restes, des miasmes. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, parce que c'est très difficile de regarder en face son histoire. En tout cas, pour ceux qui ont colonisé, ça l'est aussi. Ça, c'est une chose sur laquelle Pierre Singaravelou insiste aussi souvent, et il a raison sur. C'est que de l'autre côté, dans les pays qui se sont libérés, après, on s'est souvent refigé aussi dans une histoire, dans une vision de l'histoire un peu fermée, dans d'autres romans nationaux. Donc maintenant, on est un peu dans des luttes entre différents types de romans nationaux, et dont chacun raconte une partie de l'histoire. Et donc finalement, on est plus dans la mémoire que dans de l'histoire. Donc c'est vrai que ce qu'on a essayé nous de faire, et la mémoire est une partie importante de l'histoire et elle est vivante chez les gens, il s'agit pas du tout de la nier, hein. Mais quand on a la responsabilité, on va dire, de faire une série comme celle-là sur un sujet aussi brûlant, et en France aujourd'hui on sait qu'il est toujours particulièrement brûlant, bon, bah c'est important d'essayer de dépasser ces mémoires conflictuelles et d'arriver à créer une histoire commune, ou en tout cas de donner les bases. Il s'agit pas que tout le monde soit d'accord avec la vision qui est proposée par la série, mais en tout cas de remettre un peu les choses en mouvement et qu'on puisse se dire oui, ok, cette histoire nous appartient à tous maintenant. Et puis comprendre, tout simplement comprendre, et c'est essentiel. Et votre film Décolonisation, avec un S, permet de comprendre. Donc 3 épisodes sur Arte, c'est mardi 7 janvier, mais on peut le regarder dès maintenant sur arte.tv. Donc merci beaucoup Marc Ball, merci beaucoup Karim Misquet, puis on va dire merci à Pierre Singaravelou, même s'il n'est pas là, merci beaucoup à lui, parce qu'il a écrit avec vous ce film Décolonisation. Et maintenant, dans le cours de l'histoire sur France Culture, il est l'heure de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, et belle année à toutes et tous. Oui, à vous aussi, belle année Anaïs. Alors aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, il est question de musées de dinosaures, de singes et d'approximations chronologiques. Aux États-Unis, des musées avec une vision très particulière de l'histoire de l'humanité ouvrent leurs portes et défient le consensus scientifique sur les origines de l'homme en adoptant une grille de lecture biblique. Voici ce que l'on peut entendre dans un cours dispensé dans une académie chrétienne de l'Oklahoma. Selon les modèles scientifiques, il aurait fallu 60 millions d'années pour saliniser les océans. Mais si la Terre n'a que 6 000 ans, comment les océans peuvent-ils être aussi salés aujourd'hui? Ils n'ont pas eu le temps. Dans ce cas-là, on peut peut-être penser que comme Dieu a créé les océans il y a 6 000 ans, il les a déjà créés avec quoi? Et oui, avec du sel dedans. Moi, je trouve ça très logique. On nous a présenté les deux théories, l'évolution et la création. Et pour moi, la création est beaucoup plus cohérente. Pour éclairer... Pour éclairer cette logique de la salière, Denis Lacorne, dans la livraison du magazine L'Histoire de janvier 2020, analyse ce phénomène. L'article, intitulé « Les musées contre Darwin », revient sur l'entrepreneuriat muséal créationniste. Pour rappel, le créationnisme remet en cause les théories de l'évolution tirées des recherches de Charles Darwin, mais aussi de très nombreux autres scientifiques qui ont établi l'apparition très progressive de la vie sur Terre sur plusieurs centaines de millions d'années. Le créationnisme oppose à cela une lecture littérale de la Bible. L'univers aurait été créé en 6 jours et les 5e et 6e jours, la volonté divine aurait inventé les êtres vivants. Les dinosaures, les moustiques, l'homme et la baleine seraient donc apparus brusquement et de concert il y a 6000 ans. C'est la Bible qui nous le dit, mais le consensus scientifique justement date plutôt l'origine de la Terre à 4,5 milliards d'années. En 2007, ouvrait le musée de la création, piloté par les théories de Ken Ham, fondateur du mouvement religieux fondamentaliste « Les réponses sont dans la Genèse ». Dans une série de dioramas et de tableaux vivant grandeur nature, on y voit de jeunes homo sapiens, notre forme d'humanité, côtoyer les dinosaures, ce qui n'a jamais eu lieu au cas où vous n'auriez pas suivi. Cet entrepreneuriat muséal et religieux ne s'est pas arrêté là. Une reconstitution de l'Arche de Noé grandeur nature, ou plutôt grandeur biblique, a ouvert ses portes en 2016 et reçoit 1 million de visiteurs par an depuis. 155 mètres de long, 26 de large et 16 de haut. Les dimensions ont été calculées selon le texte de la Genèse qui donnait des mesures en coudées. À l'intérieur, des centaines de cages et d'emplacements, celles qui auraient abrité tous les animaux sauvés du déluge. Ici, tout s'écrit selon l'histoire de la Bible. Le déluge aurait eu lieu en 2348 avant Jésus-Christ. La construction des pyramides d'Égypte est donc décalée à 1730 avant Jésus-Christ, 1000 ans plus tard que ce qu'estiment les archéologues. Cette guerre culturelle américaine entre créationnisme et sciences modernes ne date pas d'hier. En 1925, John T. Scopes, un professeur du Tennessee, avait été condamné pour avoir enseigné la théorie de l'évolution. Son procès est resté dans les mémoires comme le procès du singe. Ce qui inquiète, ce sont les habits neufs du créationnisme sortis de sa marge avec l'entrée au gouvernement de Donald Trump de 2 responsables convaincus par ses thèses, le vice-président Mike Pence et la ministre de l'Éducation Betsy DeVos. Ragaillardis par ce soutien inattendu, 5 États fédéraux ont formulé des projets de loi pour permettre l'enseignement des thèses créationnistes dans les écoles publiques. Les créationnistes étaient frustrés d'avoir un enthousiaste des sciences comme Obama à la Maison-Blanche. Mais là, ils sont réconfortés d'avoir quelqu'un qui se fiche de la vérité scientifique. Le long des routes américaines, les panneaux dénonçant la théorie de l'évolution de Darwin sont encore nombreux. Selon les derniers sondages, 1/3 des Américains adhèrent aux théories créationnistes sur l'origine de l'homme. L'article de Denis Lacorne, « Les musées contre Darwin » est à lire dans le numéro de l'Histoire daté de janvier 2020 et la suite de cette guerre culturelle américaine est à suivre aussi dans la campagne présidentielle américaine à venir. Merci beaucoup Anaïs, et pour aller plus loin, c'est sur la page du journal de l'Histoire franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Viudès, Camille André, avec Marie-Claire Oumabadi, aujourd'hui à la technique. La semaine prochaine, avec notre partenaire, le magazine L'Histoire, nous partons en Chine.